a passagem da procissão. E há pouco, também, como o Sr. Professor dizia, temos hoje mais um festival de folclore às 10 da noite. Une radio pour toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel.

Jerusalem, hija y ala mi. Kilo no lo sé. Hambenami. Sumangishilana. Jerusalem, hija y ala mi. Kilo no lo sé. I colana, buso a mi, a un colana. Kilo no lo sé, su hambrenam. Daoyami, I colana, buso a mi, a un colana. Kilo no lo sé. Yeah. Se rappelle de moi. Il était temps. Enfin une trêve m'a l'essentiel. Ce soir, on est un tas d'amis, on va bien s'amuser. On va se faire une fête, tout en restant sympa. Ce soir, on est tous en folie, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? C'est décidé, juré, promis, ce soir on va faire la fête entre amis. Allez mes frères, soyons unis pour le grand bal des amis. Ah, quelle ambiance à la fête de la bière. On fera bon vent comme en Bavière. Ah, quelle ambiance à la fête de la bière. C'est chers auditeurs, Nicolas vous donne rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 16h dans l'émission Accordéon Musette sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Voici les 13h passées de 30 minutes passées, voilà, donc bien nous sommes le dimanche et c'est l'heure de se retrouver pour l'accordéon. Aussi j'espère que vous avez passé tout simplement une très bonne matinée, tout simplement, et puis que vous allez continuer de passer l'après-midi très bien avec la musique de l'accordéon. Et puis donc, que vous soyez seul, que vous êtes en ami, tout etc., eh bien, soyez très bien avec l'accordéon qui vous donne beaucoup de joie. Donc, eh bien, sans plus tarder, je vous laisse avec la musique et je vous laisse avec deux morceaux de valse et puis juste après le tango. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. l'appelait Marie-Madeleine, on l'appelait Marie-Printemps. Et comme moi, elle aimait son nouvelle, les souvenirs du 40 ans. On est parti pour la grande ville, pour la famille, pour les parents, avec un peu de nostalgie, avec l'espoir de venir souvent. Je suis heureux, c'est demain mes vacances, je vais voir le vers mon pays. Moi je préfère ce pays, ce paysage, que vivre ici dans les rues de Paris. Je suis heureux, c'est demain mes vacances, je vais revoir le vers mon pays, car c'est d'ici que j'ai tourné la page, quitté le vers pour aller à Paris. Avec le Madison, puis suivi du Charleston. Bravo le Madison, bravo le Madison, c'est extra, c'est sympa de danser le Madison. Bravo le Madison, bravo le Madison. Le mardi Madison, l'un derrière l'autre, on se met bien en place. On tape les mains pour que ça swing ou que ça casse. Décontracté, on lève le pied, c'est vraiment pas compliqué. Puis en tout temps, on tourne sur comme ça, quand le Madison est là. Bravo, le Madison. Bravo, le Madison. C'est extra, c'est sympa de danser le Madison. Bravo, le Madison. Bravo, le Madison. Le mardi Madison, c'est une danse contre la solitude. Quand on y goûte, c'est une plénitude. On peut passer toute une soirée sur ce tempo endiablé. Allez, venez, les copains, les copines. Le Madison, c'est du bonheur en prime. On le croyait bien disparu. Mais le voilà revenu. Bravo, le Madison. Bravo, le Madison. C'est extra, c'est sympa de danser le Madison. Bravo, le Madison. Bravo, le Madison. Le mardi Madison.

disco et juste après je mène du côté, de l'Espagne. We'll be right back. sur Arc-en-Ciel. Voici donc la musette et puis juste après la Java. Allez viens je t'invite. Ce soir nous irons rêver au bal du temps passé, sur le vieux parquet ciré, sous le ciel illuminé. Entre les grands marronniers, je vais te raconter combien je vais t'aimer. Il y aura l'accordéon pour les rois de la piste, un petit bal sous les lampions pour tous les fiancés, un batteur, un guitariste, les manèges et du nougat. Oui, c'est vraiment magnifique quand la cabrette est en java. Les yeux dans les yeux, comme les amoureux, nous irons à petits pas. Ensemble enlacés, nous remémorer les airs de Martin Kaila, de Jean Séguerel et de Cantourné, les refrains qu'on n'oublie pas. Au bout de ces noms, toutes ces chansons qui nous donnent le frisson. Ce soir nous allons danser, le temps est à la fête. Ce soir laisse-toi guider au bal du temps passé. Ici l'étoile est magique et la nuit n'en finit pas. Oui, c'est vraiment magnifique quand la cabrette est en java. Donc le passo, puis un petit bonjour à Monique, et puis juste après la guinguette. C'était bien. Où est-il le bon temps révolu? mais je garderai toujours avec un brin d'amour parfum. C'est mon jour. Quand nous allions bercer par les chemins de la vie, l'espoir naît toujours après les chagrins d'amour. Quand nous allions au son faire la fête avec tous nos amis, nos copains, tout à ce manique cette vie. Où est-il le bon temps révolu? Les guinguettes aujourd'hui disparues, mais je garderai toujours avec un brin d'amour le parfum de ces beaux jours. Madison, ça y est, oui, tu reviens. Madison. personne, y a pas à dire, tu nous tiens bien. Arc-en-ciel. Voici donc l'accordéon des Bruyères. Chez nous, dans notre forêt,

Voici donc la valse, une des chansons qu'on a pu entendre au début de l'émission, mais c'est pas la même. La valse. C'est à chaque fois le... Et puis juste après, on ira faire un petit tour de l'Auvergne. Bien sûr, ils feront, ils nous promettent un monde merveilleux pour la place ultime que chacun convoite. C'est parti pour le compte à rebours, quoi qu'il en coûte, ils nous aideront. Notre bonheur pour eux est précieux. Et la revoilà, la valse est promesse. Moi je ferai ci, moi je ferai ça. Fini les impôts, la hausse des prix, la sécurité, vive le plein emploi. Elle tourne bien, la valse est promesse. Vous faire plaisir, je ne pense qu'à ça. Vous voulez les sous, la retraite à 60 ans. Seule solution, votez pour moi. Il faut les voir pendant les débats, c'est pire qu'une classe de maternelle. La politesse est mise au placard, c'est un festival de noms d'oiseaux. C'est comme toujours la même ritournelle, les dettes pour nous, à eux le caviar. Mais qu'en pense donc notre beau drapeau? Et la revoilà, la valse est promesse. Moi je ferai ci, moi je ferai ça. Fini les impôts, la hausse des prix, la sécurité, vive le plein emploi. Elle tourne bien, la valse est promesse. Faire plaisir, je ne pense qu'à ça. Vous voulez les sous, la retraite à 60 ans. Une seule solution, votez pour moi. Cadeau. garçons d'auvergne, parmi les siens et tous les amis d'autrefois. Qu'est-ce que c'est bon de retrouver sa terre, il n'y a rien de meilleur, croyez-moi. On a beau dire, on a beau croire, on a beau faire, imaginez qu'ailleurs existe un nirvana, pour voir un jour son beau pays dans la lumière. Le cabonneur a crié du cœur un coup d'éclat. L'orchestre joue sur des tritons, sur des tonneaux, comme autrefois. On voit du vin, c'est le festin en limousin. La procession des majorettes et des artistes, tous les curieux vont se ressembler sur la piste. Quand on entend cette chanson, les amours dans les maisons, que leur chambre tous ensemble à l'unisson. Quelle ambiance, quel que ça, on les fouille, on les va. Mais qui donc conduit ça? Il n'y a qu'un auvergnat pour mener à tel échec. Les gens dansent dans les rues. Tiens, voilà l'accordéon, la fanfare et les flonflons. Et l'auvergne au panthéon. Ça ressemble à ces trophées, à un petit bal dans les prés. Pour moi, tout en plein été. Voici donc la marche, et puis juste après on écoutera la tarentelle. La tarentelle, c'est la plus belle, c'est bien la reine de nos chansons. Venez danser, la tarentelle corésienne, vous verrez, c'est pas compliqué, on la danse à la corésienne. voici donc le country. Du Mexique, et puis juste après, on écoutera tout simplement du côté, ben, je dirais après. Un petit taco, un tout petit taco qui vient de Mexique. asticot avec de longs détours. Ce tout petit taco va comme un escargot en éveillant l'écho de tous les alentours. Derrière un anoco de ce petit taco, trois wagons rococo de tour à tour. Il date de Mathusalem et c'est pour ça que chacun l'aime. Le taco, le petit taco de Mexico. Dans le petit taco, il y a deux drôles de cocos. Farouches Hidalgo, planteurs de tabac. Des filles en caraco qui posent leur tricot pour faire des ragots en riant aux éclats. On échange illico, des propos amicaux et même des mécos, c'est le pays qui veut ça. Pour tous les cœurs célibataires, c'est le plus beau train de la terre. Le taco, le petit taco de Mexico. Le train saute quand il plonge tout au fond d'un gai vallon. Dans les côtes, il s'allonge comme un vieil accordéon. Sous les palmes qui les fleurent parfois, qui perd son calme et file à trente à l'heure. Mais bien vite, s'il s'agit de chauffeur, se précipite et l'on ne se va pas. Petit taco qui vient de Mexico, se trouve tout de coup en panne quelque part. Planteurs et Hidalgo, déposent leur mico et poussent le taco jusqu'à la prochaine gare. Qu'importe la loco, les wagons rococo et même les lavagos que de l'écao. Si vous rêvez d'un grand amour, prenez un jour à votre tour le taco, le petit taco de Mexico. Mexicaine. les Bastilles et la Reine. Mexico, Mexica, Mexicaine, dans un tourbillon tu nous entraînes. Mexico, Mexico. Voici donc la polka et la guinguette. la guinguette. J'invite tes belles, ma vie la vie belle, saveur d'instant naturel. Et puis juste après, on ira faire un petit tour dans le Berry. Ça swing acoustique, des milliers de souvenirs, mais c'est toi pour grandir, c'était le temps des plaisirs. Et même si le temps presse, mon cœur on chante la fête, ce refrain sonne dans ma tête. C'est autant d'y gagner, c'était bien, c'était chouette. C'est autant d'y gagner, sonner l'accordéon des airs. C'est autant d'y gagner, c'était bien, c'était chouette. C'est autant d'y gagner, sonner l'accordéon des airs. C'est ici le début du voyage entre les plaines et les coteaux. On se sent porté par les nuages, comme le font les plus grands oiseaux. On devient batelier, chevalier, lancelot. On se prend à croire en son drapeau. On traverse les villes dans le petit matin, où se jouent des milliers de destins. J'aimerais partir au fil de l'eau, me laisser guider par mon bateau, voyager au cœur de mon pays, tout le long du canal de Péry. J'aimerais partir de mon buisson, m'en aller vers son coin des garçons, pour retrouver mes meilleurs amis, tout le long du canal de Péry. Du Passo. Et puis juste après un autre morceau de Polka. Et j'y a ou la Tuli, Liblatou ou Mkanta, l'autodag ou j'y étatique, Polputar en Mugetatik. Aske senditiunari Gauraz betu Atu eta kumpaio Hau zeure pau Hau zeure pau Hau zeure Il faut savoir bien marquer le pas, marquer le pas sauter lentement. Quand tu rends le tabou, c'est la joie que donne ton enfant. La polka de Bouffillon, guérissou sur son pétarou, le bon matin s'en va à la fois. Guérissou sur son pétarou, va à la fois pour le séchou. En roulant tout le long du chemin, il faut dans le sang. Il faut dans le pas poser par mot, la polka de Bouffillon.

que la Java. ciel. Touche à sa fin, donc voilà. Donc, et bien, j'espère que c'est passé un bon moment avec l'accordéon. On va se donc ce rendez-vous dimanche prochain à partir de 13h30 jusqu'à 16h, et puis aussi on se retrouve pour les autres émissions, donc le mardi et ainsi le vendredi à partir de 13h30. Voilà, donc, et bien, je vous dis bon temps à tous et à toutes, et puis bonne fin, puis plutôt. Bon après-midi, merci, bonne fin d'après-midi. Et donc à la prochaine, bonsoir à tous.